saurais te dire oui. Toi, tu tends chaque seconde. Toi, que le monde éblouit. Toi, qui rends la terre si ronde. C'est là, au bout de nos années, qu'il faudra un jour s'avouer ce que le temps nous a caché, ce que chacun de nous a rêvé. Vite, la vie n'attendra pas que je rejoigne tes pas. J'ai beaucoup marché, je suis là pour saisir le parfum de ta voix. Toi, je saurais te dire oui. Toi, du temps chaque seconde. Toi, que le monde éblouit. Toi, qui rends la terre si ronde. Dans tes yeux, je n'ai plus peur de vieillir. Sur ta peau, je n'ai plus peur de souffrir. Sur toi, la vie saura fleurir. Dans un océan de plaisir, j'ai laissé mes bouées de détresse pour me noyer dans ta tendresse. De l'asphyxie, l'ivresse, que mes espoirs caresse. Toi, je saurais te dire oui. Toi, du temps chaque seconde. Toi, que le monde éblouit. Toi, qui rends la terre si ronde. Contre toi, j'arrive à voir si loin. Je m'avance, plus rien ne me retient. Je veux capter l'onde de tes mains, écouter de tout ton corps le refrain. Un seul battement de tes cils rendrait fou l'homme le plus habile. Face au bonheur, je me sens docile. Je t'aime, rien ne m'est plus facile. Toi, je saurais te dire oui. Toi, du temps chaque seconde. Toi, que le monde éblouit. Toi, qui rends la terre si ronde.